Chaque souffle du désert, ton écho s'étend comme la braise sur la dune. On n'a pas choisi cette fois, elle nous a marqué dans la poussière. Une trace brûlée sur la peau comme une promesse que le feu ne meurt jamais. Chaque nuit on grave son nom sur le sable, et chaque matin le vent le lit pour nous. Il n'a pas besoin de couronne, il porte le regard de ceux qui n'abandonnent pas. Janet Karidersky, Jamer Dalfaber Hadamet Karidersky, Jomer Dulfaber Hadamet. Il frappe les pierres, les poings sanglants, il hurle la mémoire de ses affrontements. C'est plus qu'un nom, c'est un souffle, un cri de guerre et un chant de rédemption. Les flammes ne parlent qu'aux vrais vivants, celles et ceux qui n'ont plus peur du jugement. Ce feu, il ne tue pas, il révèle, il purifie, il éclaire. Riderski. Dans chaque pixel de l'arène, il rallume nos âmes quand elles s'éteignent. Même dans l'échec, il reste la lumière. Même dans la chute, il est la poussière fière. Riderski. Riderski. Celui qui marche entre les dunes et fait trembler les murs d'une rune. Riderski. Il allume la flamme dans le cœur et fait de nos larmes un moteur. On a marché sans ombre, on a combattu sans nom, mais ce soir le feu nous rassemble et ta voix est notre canon. Loin des villes et des pixels vides, ici chaque souffle devient rite. Riderski guide nos mains, fait de la rage une main qui soigne. Pas seul dans ce sable, je suis un écho parmi des milliers. Chaque vieué, chaque frère porte en lui la torche de demain. On ne te regarde pas à l'écran, on te ressent dans nos veines brûlant. Tu nous lis sans nous dominer, tu nous élèves sans nous plier. Riderski, chaque ravin, le feu dans la gorge et le cri sans fin. Riderski, Vaterna, le sable vibre quand il tend la main. Riderski, chaque ravin. Gorge le cri sans fin. Riderski, Vaterna. Le sable vibre quand il tend la main. Et quand tout s'éteindra, quand les flammes danseront seules, le nom restera dans la roche gravé par nos chants éternels.